Ok, donc on va reprendre l'éducation populaire, si ça vous intéresse. du coup, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et puis donc on va passer à la prochaine intervention avec donc Julien qui nous fait une présentation générale et qui nous parle de la blockchain. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'expliquer un petit peu cette technologie expérimentale qu'on appelle la blockchain. Ensuite, je vais essayer d'expliquer les différentes choses qu'on peut faire avec. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Bitcoin? Oui. Donc voilà, la blockchain, c'est la technologie qui est sur laquelle s'appuie Bitcoin. Donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc la blockchain, en fait, c'est simplement une base de données distribuée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous avez une sorte d'ordinateur géant sur lequel on peut écrire ce qu'on veut. Et en fait, personne ne peut modifier ou supprimer ces infos. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'est des technologies expérimentales, hein, mais Bitcoin, donc c'est en ligne depuis 7 ans, et c'est en fait la première chose qu'on a voulu faire avec cette base de données distribuée, c'est inscrire des transactions financières. Donc en gros, on a un énorme registre. Où on inscrit donc des transactions financières, c'est-à-dire voilà, Jean-Michel donne 10 euros à Francis, etc. Et donc on ne peut pas modifier ou supprimer ces informations en fait. Et donc ça c'est la première application on va dire de cette technologie. Mais on peut faire en fait beaucoup d'autres choses. On peut retenir qu'il y a les deux blockchains les plus importantes actuellement, c'est Bitcoin et Ethereum. Et en fait, Ethereum, ça permet de faire plus facilement, on va dire, d'autres choses que des transactions financières. Par exemple, on peut créer en fait toutes sortes de titres numériques, qu'on appelle aussi des jetons ou des tokens. Donc des titres numériques, donc ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple un passeport, par exemple, qu'on peut avoir sous forme numérique. Ça peut être des actions d'une société, donc comme des parts sociales, par exemple, d'une société ou d'un projet. Voilà, ça va être aussi utilisé beaucoup pour faire du crowdfunding, donc du financement participatif, etc. Je ne sais pas si je suis très clair. Peut-être je vais prendre en fait des questions tout de suite. Oui. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec du Bitcoin? Est-ce que les gens veulent bien vendre? Il suffit que la personne qui vend quelque chose accepte le Bitcoin et tu peux acheter donc cette chose en Bitcoin. Alors, par rapport au Bitcoin, il y a trois façons de s'en procurer. La première, c'est de l'accepter dans ses échanges. Donc ça, c'est la première façon de s'en procurer. La deuxième, effectivement, c'est d'en échanger contre d'autres monnaies. Donc, un peu n'importe quelle monnaie en fait. Et la troisième façon, c'est de miner du Bitcoin, c'est-à-dire fabriquer du Bitcoin, puisqu'en fait, cette base de données distribuée, elle est maintenue par un réseau de milliers d'ordinateurs qui sont connectés ensemble et qui maintiennent le réseau et vérifient les transactions. Donc, en gros, il y a un système en fait de clés publiques, clés privées, C'est-à-dire que n'importe qui peut faire autant d'adresses Bitcoin qu'il le souhaite. La clé publique, c'est donc l'adresse publique, c'est ce que vous allez pouvoir diffuser sur les réseaux comme une adresse mail en fait, pour que les gens puissent envoyer des sous. Attends. Et il y a la clé privée. La clé privée, c'est ce qui vous permet de disposer de l'argent. Donc cette clé privée, il faut faire ce qu'on appelle un stockage à froid. C'est-à-dire qu'on va stocker cette clé privée à l'extérieur du réseau, c'est-à-dire pour qu'elle soit protégée. Parce que si elle est sur un serveur, si elle est sur Internet, si elle est sur votre ordinateur, ben, éventuellement on pourrait la piquer et donc vous piquez votre argent. Donc c'est préférable de stocker en dehors du réseau. Oui. C'est bon? Ouais. Du coup, j'ai deux questions, je viens juste d'arriver, mais par rapport aux bases de mining, je sais qu'il y en a beaucoup en Chine, est-ce que la France s'y est mise ou pas? D'une part, et d'autre part, est-ce que, on a des monnaies locales, mais est-ce que, comme dans certains pays, je sais qu'en Irlande c'est le cas, il y a des endroits où on peut à partir des bitcoins qu'on a sur Internet, retirer de l'argent avec? Est-ce qu'il y a des endroits dans Paris ou des cafés qui en acceptent? Voilà. Alors pour ce qui est du mining, la réponse est oui. Il y a des, on appelle ça donc des mineurs en France, oui. Aussi bien sur Bitcoin que sur d'autres monnaies, on appelle ça des crypto-monnaies. Là aujourd'hui, il y a déjà des centaines de crypto-monnaies différentes, donc avec des règles différentes. Mais il faut quand même garder en tête que donc comme j'ai dit tout à l'heure, que les deux plus importantes, donc ce sont celles de Bitcoin et celles aussi d'Ethereum, ça s'appelle. L'autre question, c'est où est-ce qu'on... Ah oui, alors à Paris, à Paris, vous avez donc la maison du Bitcoin qui est rue du Caire, où vous pouvez effectivement en échanger, en fait. Et puis sinon, sur Internet, vous avez une start-up française qui s'appelle Paymium, qui est ce qu'on appelle un exchange, c'est-à-dire une plateforme d'échange, en fait, puisque ce qui est important aussi à savoir, il y a pas mal de choses que j'ai pas dit, mais ce qui est important à savoir, c'est que vous avez une quantité finie de Bitcoin qui donne un petit peu sa valeur, c'est-à-dire que comme il y a une quantité finie, eh bien ouais, en fait, ça crée offre et demande, et ça crée donc effectivement une sorte de marché global qui donne sa valeur à cette monnaie. Et puis sinon, il y a quelques endroits dans Paris, oui, on peut en acheter. Mais ce qui est important, oui, pour acheter avec. Oui, il y a quelques endroits, il y a quelques bars, quelques différents services. Et est-ce que oui, vas-y, je vais prendre. C'est juste très rapide. J'habitais à Prague il n'y a pas très longtemps et là où je bossais, en bas, il y avait un distributeur de monnaie tchèque, mais à partir de ton compte Bitcoin, enfin de ta clé Bitcoin. Est-ce qu'on a ça en France, quelque part? Oui, il y a à la maison du Bitcoin, vous avez ce genre de machine là pour échanger en fait, pour en acheter et en vendre en fait, pour les échanger. Un aspect important sur Ethereum. En fait, récemment, il y a un projet qui a fait pas mal de bruit, qui s'appelle The DAO. Donc j'aurais voulu vous expliquer en un mot ce qu'on appelle une DAO. En fait, une DAO, c'est une communauté de gens qui ont fixé leurs règles de fonctionnement sur un contrat autonome sur la blockchain. C'est-à-dire que, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on crée un nombre fixe de ces jetons, de ces titres numériques. Et vous pouvez soit en acheter, c'est-à-dire investir dans un projet, soit en obtenir en contribuant à ce projet, selon des règles définies dans ce contrat qu'on ne peut pas casser, si vous voulez. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. En fait, ce que permet ces technologies aussi, c'est un échange très direct entre les gens, c'est-à-dire sans passer par l'intermédiaire de banques ou d'institutions diverses et variées. En fait, vous avez la possibilité en fait de créer vous-même une banque, en fait. Voilà. Et juste un autre chose aussi par rapport à ces... Alors DAO, pourquoi DAO? Parce que en fait ça veut dire organisation autonome décentralisée. Decentralized Autonomous Organization. Et en fait, ça permet aussi de faire en sorte que tous les gens qui possèdent ces titres numériques votent sur les différentes orientations d'un projet. Voilà, donc ça c'est assez important. Voilà, peut-être je vais prendre des questions. Ouais, pour revenir un petit peu sur le minage, je crois que pour le Bitcoin c'est limité à 21 millions d'unités à terme. Comment ils vont faire fonctionner le réseau, sachant que c'est tous les utilisateurs, enfin ceux qui minent, qui valident les transactions. Une fois que les 21 millions seront faits, est-ce que ça incitera plus les gens à miner, donc à faire fonctionner le réseau? Ah pardon. Ouais. Enfin donc, comme une fois que toutes les unités seront sorties, comment le réseau va fonctionner? Comment ça va rester incitatif? Excuse-moi, c'est peut-être un peu. Bon, j'ai peur de dire des bêtises hein, sur le détail du process de mining. À la fin, en fait, une fois qu'on aura miné ces 21 millions de bitcoins, là, c'est dans assez longtemps déjà, d'une part. Donc, voilà, actuellement, sur chaque bloc, donc en fait, vous avez un bloc toutes les 10 minutes. Et celui qui mine ce bloc, il est récompensé par 25 bitcoins. Et d'ailleurs, ces 25 bitcoins, ils vont être divisés par deux dans pas longtemps aussi. Donc ça c'est ce qui est dans les règles en fait du logiciel Bitcoin lui-même, que le mineur télécharge et fait tourner sur son ordinateur en fait. Donc non, j'ai pas répondu à la question du coup, mais ouais, je crois que c'est dans plus de 100 ans, hein, donc voilà. Donc d'ici là, je pense qu'on aura amélioré les choses en fait. C'est un protocole qui est améliorable, hein, donc voilà. Je vais juste une petite question. Excusez-moi, moi je viens d'arriver. Je voulais juste savoir là le Bitcoin, c'est pour contourner les banques, c'est ça? C'est l'objectif, c'est pour à terme ne plus passer par les banques classiques et avoir une autre finance. Bon, peut-être ce qui est important de pour répondre, ça me paraît important d'avoir le choix en fait. C'est-à-dire qu'on est libre d'accepter ou pas une monnaie en l'occurrence. Chacun peut s'approprier en fait la technologie comme il le souhaite. Donc oui, ça va poser un certain nombre de soucis à nos amis banquiers, ça c'est sûr. Là actuellement, il y a plusieurs projets en cours où en fait ils vont essayer de copier ou d'utiliser en fait pour eux-mêmes, pour leur propre réseau, cette technologie. En fait, c'est assez difficile de comprendre ce qu'ils sont en train de faire avec, mais en gros, on sait que enfin, ils ont compris que comment dire. On va y venir. Est-ce que je réponds à la question? Pas vraiment. Moi, je pensais que si on en parlait ici à Nuit Debout, c'était dans l'objectif de, à terme, pas tout de suite, mais de proposer voilà, un autre système bancaire et que les gens puissent créer, enfin que chacun en fait crée de la monnaie tout en ayant une limite quelque part, bien sûr. Voilà. En fait, on peut très bien utiliser, on peut très bien utiliser ces technologies. Effectivement, pour créer, en fait, c'est extrêmement facile de créer sa propre monnaie, donc soit sur Bitcoin, soit sur Ethereum. C'est-à-dire qu'on peut donc décider collectivement des règles qu'on souhaite appliquer à cette monnaie. Donc ça peut très bien être. Donc là, après, on part dans les aspects monétaires, on va dire. Donc là. En gros, quand une monnaie complémentaire se présente, il faut se poser la question qui la crée et qui la distribue. Donc voilà, ça c'est un aspect intéressant. Oui, voilà. Oui. J'ai peut-être un élément de réponse pour toi. En fait. La quantité, enfin la fréquence de Bitcoin sont données grâce aux algorithmes décroît avec le temps, ce qui fait que il y a une quantité limite mais qui sera atteinte dans un certain temps, et plus on s'en rapproche, moins de Bitcoin sont donnés à des gens qui minent. Du coup le côté incentif est, je sais pas si ce mot existe, mais incitatif, voilà, le côté incitatif est toujours là. Mais simplement, voilà, la fréquence décroît. Et je pensais à un autre truc. Pour les monnaies alternatives, le problème, c'est que la plupart des monnaies alternatives qu'on a sont basées, en fait, sont indexées sur une monnaie réelle. Et les crypto-monnaies sont très difficiles à indexer sur quoi que ce soit parce qu'elles sont totalement virtuelles. Donc, on peut pas les. Enfin, c'est très difficile de les indexer sur une monnaie qui est ancrée dans un contexte géographique. Le Bitcoin, sa valeur n'arrête pas de changer et c'est pas indexé sur le dollar. On peut lui donner une valeur par rapport au dollar, mais c'est pas indexé dessus, par exemple. C'est l'intérêt, la monnaie, mais ça fait aussi que pour faire une monnaie locale, ou par exemple, imaginons une monnaie des Nuits Debout, par exemple, comme les Nuits Debout ne sont qu'en France, il faudrait que la monnaie des Nuits Debout soit indexée plus ou moins sur l'euro, de façon à ce qu'on s'y retrouve par rapport à notre économie au jour le jour, dans notre vie au jour le jour. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire avec une crypto-monnaie. Voilà. Je trouve que le terme virtuel, il prête pas mal à confusion. Moi, je dirais que ces crypto-monnaies, disons que les juristes, on va dire, appellent ça monnaie virtuelle, mais c'est mieux de parler de monnaie électronique ou de monnaie numérique. Puisque c'est pas plus virtuel que les monnaies qu'on utilise, hein. Oui. Non, j'espère que je fais pas une redite, j'étais pas là au début. Au niveau du déuniteur, c'est a priori là à Laval, ils sont en train de parler par rapport aux dividendes universels, de créer une nouvelle monnaie justement avec des logiciels développés sur les modèles de blockchain. Est-ce que vous avez eu des infos sur la question? Quelle est la différence du coup structurelle entre une monnaie libre et une monnaie qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qu'apporte le blockchain spécifiquement par rapport à ça, quoi? Oui, tu fais référence à au projet d'Unitaire. Projet d'Unitaire qui est une implémentation de ce qu'on appelle donc la TRM, la théorie relative de la monnaie, les monnaies libres, tout ça. Je vais pas forcément développer. C'est une Bah, déjà, le blockchain, comme l'expliquait Julien, c'est ça, ça apporte la désintermédiation. Les gens appellent ça une technologie trustless. Tous les services maintenant, t'as un tiers de confiance. Donc déjà, en l'occurrence pour le Bitcoin, c'est la banque. Il n'y a plus de banque. Donc il y a quand même des plateformes de change qui vont prendre une commission, mais qui est dérisoire. Et c'est les utilisateurs qui font fonctionner la banque. Toi, tu achètes des bitcoins, tu veux commencer à utiliser des bitcoins, à miner un peu, tu fais fonctionner le réseau. Donc déjà, tu fais sauter les intermédiaires. Ensuite, c'est transparent. Toutes les transactions peuvent être consultées. Tu as vraiment une transparence là-dessus et c'est infalsifiable. Tu as la cryptologie qui amène le côté sécurisé. Voilà, donc moi je suis pas du tout expert là-dedans, mais c'est les éléments qui font qu'en fait tu as une plateforme qui est décentralisée, personne ne peut prendre le pouvoir dessus, qui est participative, incitative, on parlait du minage, qui est donc transparente, et doit y avoir d'autres éléments. Tu as aussi le côté de l'autogestion, puisque les consensus sont faits par les utilisateurs. Voilà, c'est quand même quatre points qui sont très intéressants, qui sont développés maintenant depuis 7 ans avec le Bitcoin. Qui est une monnaie, mais les applications, tu as parlé d'Ethereum et de DAO, c'est très expérimental, mais il y a des applications, voilà, on l'applique à une monnaie, toutes les transactions d'une monnaie, on peut l'appliquer, je crois que le Ghana a commencé à utiliser cette technologie pour son cadastre, voilà, et donc on peut même pas imaginer encore vraiment le nombre d'applications et comment ça va bouleverser certainement le monde de demain, tellement c'est vaste et ça demande d'intégrer des concepts très divers, quoi. C'est voilà. Admettons qu'on veut s'y mettre demain, comment si on veut participer à un outil avec une plateforme, et voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un projet qui s'appelle The DAO, qui est un projet qui, c'est assez impressionnant en fait, puisque c'est un projet qui a rassemblé plus de 100 millions d'euros en fait le mois dernier là. Donc les DAO, donc Decentralized Autonomous Organization, les organisations autonomes décentralisées, donc comme j'expliquais tout à l'heure, qui permet notamment et surtout de voter, de voter vraiment, je dirais, sur les projets qu'on souhaite financer, sur les projets que cette communauté souhaite financer. Voilà. Alors pour s'y mettre, comme tu disais tout à l'heure. Disons que par exemple sur Ethereum, on peut assez facilement coder ses propres contrats. On appelle ça des contrats ou smart contracts. De cette façon, en fait, fixer les règles qu'on souhaite appliquer au sein d'une communauté donnée. Voilà. Et ça se passe en fait, ce que je veux dire, c'est que l'intégration est très facile, puisque ça se passe notamment en HTML, en JavaScript, pour intégrer tout ça sur une page web. Et du coup, il y a des plateformes qui sont déjà prêtes où on peut forquer le code et puis juste dire sur ma plateforme, admettons, la monnaie va être régie de telle et telle manière, un peu simple, sans codeur. En fait, forquer le code, tu parles du code, par exemple, du code de Bitcoin, par exemple. Ouais. Alors moi, je ferais juste une distinction entre, on va dire, les blockchains. Donc il y a quelques centaines de blockchains existantes aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure les deux plus importantes. Bitcoin et Ethereum, donc c'est celles qui sont les plus importantes dans le sens où elles sont les plus, comment dire, qui offrent le plus de garanties en termes de sécurité. Si tu copies le logiciel pour proposer entre guillemets ta propre blockchain, tu peux, mais ce sera très loin d'offrir les mêmes garanties de sécurité que les deux blockchains les plus importantes. Et autre chose aussi, sur les blockchains existantes, donc Bitcoin ou Ethereum, ça permet de proposer donc d'autres applis et notamment c'est DAO ou d'autres aussi d'autres applications. Donc en fait, j'aurais plutôt tendance à recommander en fait de construire des applications sur ces blockchains existantes en fait. En fait, c'est pour, je pense, pour répondre à ta question, l'idée de Ethereum, c'est qu'il y a un langage spécial qui s'appelle Solidity, qui est très simplifié. Et donc, au lieu de reprogrammer, de forker tout un truc, un gros projet, tu vas juste créer ton application dans ce langage-là. Et tout le côté technique, c'est Ethereum qui le gère, c'est ça l'intérêt. Après, ça reste tout nouveau, il n'y a pas vraiment de question que les gens utilisent, ça reste un truc expérimental pour l'instant, mais faut tenter. Hein. Si peut-être il y a d'autres questions. Est-ce que tu connais la Zouz? Alors, bonne question. Donc la Zouz, c'était un projet. Ouais, il est plus maintenu. Qui se proposait en fait de, entre guillemets, décentraliser Uber. Voilà, le service de transport, je sais pas comment on appelle ça. Par contre, VTC, voilà, service de VTC qui voulait en fait justement donc décentraliser ce service, c'est-à-dire en fait d'avoir Uber sans Uber. Uber, ils se permettent de prendre 20-30%, je crois, de commission sur chaque course. Et un système décentralisé, il permettrait en fait de proposer la même chose, mais de façon autogérée, on va dire, et donc avec une commission beaucoup plus faible en fait que ce que demande Uber. Donc ce projet-là, la Zouz, il est plus maintenu. En revanche, il y a un autre projet qui s'appelle Arcade City. Donc il va pas tarder à proposer donc un contrat sur Ethereum pour justement poser les règles entre les utilisateurs et les conducteurs, etc. Donc oui, alors je sais pas où ils en sont exactement, mais je crois que pour l'instant je crois que le contrat est pas prêt, hein, de toute façon. Il est pas encore déployé. Par contre, ils ont une appli, en fait. Ils ont une appli. L'appli est live, mais par contre, c'est pas encore le contrat sur la blockchain d'Ethereum n'est pas encore déployé. Hein. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des soucis avec les plateformes qui. J'avais cru comprendre. J'ai jamais eu de Bitcoin. Qu'il y a des plateformes qui stockent comme une banque en ligne, comme on épargne des bitcoins, que les propriétaires, après disparaissent et les bitcoins avec. Et moi, je croyais qu'avec cette, le bitcoin, comme c'était un peu, je sais pas moi, dans ma tête, en tout cas, c'est un peu open source ou des trucs. J'aurais cru que chacun avait un petit ordi avec un bout de ce bordel-là et que si chacun était connecté, c'est là où ça fonctionnait et il n'y avait pas de centralisation en fait. Alors, donc on est bien d'accord que Bitcoin n'est pas une entreprise, d'accord ? C'est un logiciel, comme tu viens de le dire, qui est open source, c'est-à-dire que chacun peut contribuer à améliorer le code. Chacun peut aussi vérifier le code. En revanche, les plateformes d'échange, eux, c'est des entreprises. Et là, il y a différents délires. Tu faisais en fait référence à cette histoire là de. Enfin non, tu faisais pas référence à ça, mais il y a oui qui s'appelle donc Mongox, MTGox, hein, qui est la plateforme historique d'échange de Bitcoin contre monnaie traditionnelle. Cette plateforme et d'autres aussi, mais celle-là en particulier, en fait, les utilisateurs confiaient leurs clés privées à ces gens. Parce que j'ai dit tout à l'heure que vous avez donc une adresse publique que vous pouvez partager, et puis il y a une clé privée. qu'il faut garder. Donc j'expliquais tout à l'heure le stockage à froid, c'est-à-dire ne pas qu'il faut garder avec soi, etc. Donc si vous confiez vos clés privées à un tiers, bah on perd tout l'intérêt en fait de la technologie en question. Et puis moi je me souviens en 2013 quand c'est un ami qui a commencé à me parler de ça. Et donc lui il en a acheté MTGOX. Moi je lui en ai acheté un tout petit peu pour faire des tests. Et je me souviens très bien lui avoir dit ne laisse pas tes bitcoins sur ce service. Et quel intérêt les mecs qui mettaient leur argent en bitcoin sur ces plateformes ils avaient? Parce que je suppose qu'en plus elles prenaient de l'argent sur... s'ils avaient 100 balles en bitcoin, il leur restait plus de 99 ou quelque chose comme ça, quel intérêt ils y trouvaient en fait? L'intérêt c'est de pouvoir échanger. C'est d'avoir la possibilité d'échanger contre de l'euro. Ça c'est l'intérêt. C'est pour ça que les utilisateurs effectivement payent ce service, oui. Ils prennent une commission quand tu entres ou sors du réseau. Enfin, quand tu changes de l'argent, quoi. C'est pour faire de l'argent, c'est pour faire du trading. Enfin, c'est du forex, je crois, quand il y a un truc entre bitcoin et euro. Tous les aspects trading en fait sont pas les aspects les plus intéressants, je dirais, en tout cas à titre personnel, de cette technologie. Alors après, évidemment que les traders, tout ça, ils s'éclatent en fait avec toutes les crypto-monnaies, puisque il y a beaucoup de volatilité, et donc effectivement on peut jouer. Il y a telle monnaie qui descend, ensuite. Il y a celle-ci qui va peut-être monter, etc. Donc, faut acheter ou vendre, etc. Mais c'est, à mon sens, hein, c'est vraiment pas les aspects les plus intéressants. Mais ça existe aussi. Voilà. Peut-être si on a d'autres questions. Vous avez parlé des DAO pour la gestion de projet. Est-ce qu'il existe déjà des plateformes qui permettent de lier par exemple une DAO avec GitHub ou ce genre de choses pour gérer en fait l'ajout de contributions directement et l'évaluation des contributions? Ouais. La réponse est oui. Alors, une DAO sur GitHub. En fait, je sais que sur Ethereum, il y a un projet qui se propose. Ils font ce qu'ils appellent un proof of GitHub, parce qu'en fait, il y a les questions de. Oui, important. Il y a les questions en fait de gestion des identités en fait des gens. En théorie, sur Bitcoin, disons que c'est pas dans l'esprit de Bitcoin en fait de lier une identité réelle à une adresse publique, à une adresse Bitcoin. En théorie, il faut que les deux soient séparés. Je reviens sur le projet The DAO, en fait, qui est un projet orienté profit. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention de... il est question d'investir dans des projets qui vont marcher et qui vont rapporter de l'argent, etc. Donc ça, c'est un modèle orienté profit. D'ailleurs, dans ce modèle, plus vous avez de ces titres numériques, de ces tokens, de ces jetons, plus vous avez de droits de vote. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite, par exemple, dans d'autres formes d'organisation. C'est peut-être préférable d'avoir une personne, une voix. Mais dans ce cas-là, il faut s'assurer que la même personne puisse pas voter deux fois, etc. Donc oui, ça pose toutes sortes de problèmes. Oui, le fichage, etc. Mais il y a des solutions. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a une plateforme pour récupérer plus d'infos sur le sujet. Voilà, et si jamais il y a des plateformes même de chat ou de machin, histoire de pouvoir approfondir en off, ça pourrait être bien aussi. Oui, vous avez l'association Blockchain France qui diffuse pas mal d'infos sur la question. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, ils vont sortir un livre aussi. J'ai vu ça tout à l'heure là. Sinon, je recommande chaudement aussi un forum qui s'appelle CryptoFR, où il y a aussi beaucoup d'informations diffusées là-dessus. Ouais, pour le projet Ethereum, il y a Ethereum France, donc c'est vraiment la blockchain Ethereum, hein, faut bien dissocier blockchain, Bitcoin et voilà. Et le Slack CryptoFR. Après, moi le problème par exemple, moi je connais peu de choses en informatique, et c'est vrai que pour les non-initiés, c'est hyper dur de comprendre ce que racontent les mecs dans les forums. Et ça manque de plateforme pédagogique, vraiment, ça manque de plateforme pédagogique pour mieux appréhender cette technologie. Voilà, moi j'ai la conviction que ça va bouleverser les choses demain. Je suis plutôt enthousiaste par rapport à ça. Il y a des sceptiques aussi, hein, clairement. Mais il faut développer des plateformes pédagogiques. Il y a des vulgarisations, des schémas. Non, je demandais du coup, voilà, où trouver des choses accessibles à tous, quoi. Non, mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est de réfléchir en fait collectivement aux règles qu'on souhaite mettre en place par rapport au vote, parce que on met en place donc une DAO qui inclut un système de vote, mais on peut faire ça peut être assez subtil en fait. On peut décider on peut déclencher un certain nombre d'actions, par exemple déclencher des transactions sur le vote de la communauté. Mais alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on vote? Est-ce que c'est un vote à la majorité? Est-ce que c'est quelles règles en fait on choisit en fait? Bonjour, j'en profite pour bondir en fait sur l'organisation d'un hackathon pour Nuit Debout, donc spécifique à Nuit Debout sur les problématiques d'e-démocratie. Et on serait super chaud que tous les gens chauds sur le blockchain viennent, parce que aussi c'est vrai qu'on prend toujours le blockchain à travers juste la problématique du vote. En soi, le vote n'est pas ni le début ni la finalité forcément d'un processus démocratique. Est-ce que le blockchain peut répondre à de la construction collaborative? La construction collaborative n'est pas en soi un phénomène de décision unanime. C'est aussi une scénarisation des idées, de leur construction commune. Voilà, donc toutes ces questions-là sont à soulever dans ce hackathon. Et c'est vrai que moi, je me suis intéressé très récemment à la DAO et à la blockchain. Et c'est vrai qu'au niveau, démonstration, enfin, tu vas sur YouTube, tu tapes DAO, t'as finalement trois vidéos en anglais de financiers qui sont là, comment on peut se faire des thunes grâce à Bitcoin et grâce à machin. Il n'y a pas d'idée, il y a de la production à faire pour savoir quel est le potentiel de la DAO. Je dirais que la monnaie virtuelle, autant que le vote, je suis certain que ce sont une infime partie de tout le potentiel de la DAO. Et je sais pas ce que je suis arrivé un peu tard, je sais pas de quoi vous avez parlé. Déjà pour moi, lister finalement tous les projets qui fonctionnent en Decentralized Autonomous Organizations, ça serait intéressant. Je sais plus, on parlait d'une initiative qui avait réussi à récolter en mode blockchain des dons pour jusqu'à 100 millions de dollars sans affectation en attente de projet. C'est pas de la monnaie virtuelle, c'est pas du vote, mais c'est une autre utilisation du truc. Je sais pas si vous en avez parlé des... Si, oui, on avait un petit peu évoqué, ouais, on avait un petit peu évoqué cette histoire des 100 millions récoltés donc en financement participatif, ce qui est en soi... un record. Et c'est vrai que c'est... personnellement, je trouvais que c'était assez impressionnant, puisque c'est un projet d'une certaine façon autogéré, entre guillemets, qui suscite un certain engagement. Assez impressionnant en soi, en fait. Mais du coup, je ne sais pas à quel point vous avez parlé non plus de la monnaie virtuelle en règle générale. Je ne sais pas, ça a l'air d'être défendu du fait de sa transparence, mais je ne sais pas s'il y a une réflexion réelle sur le principe un peu de bulle, quoi, et de genre de choses. Qu'il y a des monnaies virtuelles qui réussissent à concevoir une monnaie qui soit plus proche de l'économie réelle, ou genre de choses. Est-ce qu'il y a des projets qui existent comme ça? Je sais pas, par exemple, en fait, sur Ethereum, on peut proposer sa propre monnaie en quelques lignes, vraiment en quelques lignes de code. Et c'est vraiment, enfin, je veux dire, même moi, je peux le faire, vraiment. Et autrement dit, et donc, si moi, je crée ma propre monnaie, je vais décider des règles. Donc, on peut très bien mettre en place, par exemple, je sais pas si vous voyez ce que c'est un SEL, système d'échange local. Quand on s'échange quelque chose, je paye, donc je passe à moins 10 et celui qui achète passe à plus 10. On peut très bien mettre en place sur Ethereum ce type de système. Donc voilà. Mais il n'y a pas de projet de réflexion avancée économique déjà existant, des monnaies déjà bien conçues? Alors, en ce moment, à Laval, si, il y a un truc justement qui va complètement dans ce sens-là, puisque là, pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, ils sont sur les aspects techniques des développements, de comment justement faire des circuits monétaires avec des fonctionnements différents. Et pendant 2 jours après, pendant le week-end, samedi et dimanche, ils vont parler du coup des fonctionnements des monnaies libres. Donc le blockchain en fait partie, enfin fait partie des outils de déploiement, même si c'est pas le sujet unique. En fait, bon, il y a juste deux choses là-dessus. Il y a vraiment les aspects strictement monétaires avec tout un une théorie, enfin tout un comment dire un délire particulier en fait, on va dire. Ils ont défini ce qu'ils appellent une monnaie libre, etc. Donc il y a ça d'une part, et il y a aussi, et d'autre part, les aspects technologiques, c'est-à-dire parce que tu parles de blockchain, disons que c'est une forme de ce qu'on peut appeler une blockchain privée, c'est-à-dire c'est pas une blockchain ouverte comme celle de Bitcoin ou d'Ethereum. C'est un réseau différent, fermé. Alors pas forcément fermé. Je crois pas que d'Uniter soit particulièrement fermé, voire pas du tout. Voilà, et juste pour info, donc le projet d'Uniter, donc il s'agit donc d'une implémentation de la TRM, c'est-à-dire une monnaie à dividende universel, c'est-à-dire donc la monnaie est créée aussi de façon décentralisée, etc. Avec un dividende universel qui est calculé d'une façon précise, définie dans la TRM, etc. Donc il y avait une question. À propos de la dividende universelle, ça veut dire qu'ils ont appliqué, enfin les mecs qui participent à la DAO ont appliqué une taxe sur les transactions? Non, il n'y a pas de taxe de transaction. Que ce soit aussi bien sur Bitcoin que sur Ethereum, les frais de transaction, ils sont très très faibles. 1-2 centimes. Par exemple, quand je vais voter. Il y aura un petit frais de transaction, mais c'est 1-2 centimes, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en fait, c'est complètement différent de l'histoire du dividende universel. Après, ça, c'est des règles monétaires qu'on fixe collectivement. Il y a ce projet d'Uniter, mais pas seulement, hein, il y a aussi d'autres crypto-monnaies qui fonctionnent avec un dividende universel. Je crois que c'est le projet Circles, qui est basé là-dessus. Vous avez aussi, il y a un projet qui s'appelle Aurora Coin qui est utilisé en Islande, où la monnaie est distribuée en fait à tout le monde de cette façon. Après, ça pose aussi des questions sur le plan monétaire. C'est si on en distribue à tout le monde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vaut réellement, est-ce qu'on pourra les échanger, etc. Donc ça, c'est encore... voilà. On va devoir bientôt s'arrêter pour passer à l'intervention suivante. Je ne sais pas si... C'est pas tout de suite pour l'intervention suivante parce que on attend qu'ils soient tous les deux là. Donc on a encore ça. De quoi ? Voilà. Donc il y a plus de questions. Moi je voulais savoir en fait est-ce que c'est la CIA qui l'a créé ? Est-ce que tu peux nous confirmer ? Alors je pourrais pas confirmer à 100%. Mais voilà, Bitcoin c'est un projet open source. Donc tu as plusieurs développeurs qui ont participé à la création et à l'amélioration en fait du code. Après ma foi, chacun est libre de le télécharger et de le faire tourner sur sa machine. Donc la CIA, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là-dedans. C'est-à-dire, je sais que par exemple, il me semble que tu peux très bien avoir des banques, t'as aussi par exemple, enfin, des banques qui minent du Bitcoin. C'est pas impossible. S'ils participent au maintien du réseau, à vérifier les transactions, bon ben. Ça va pas avoir d'impact en fait sur comment dire sur les règles de fonctionnement. Ouais, alors il y a deux reproches qu'on fait assez souvent au Bitcoin, c'est que effectivement les premiers, c'est-à-dire il y a 7 ans qui ont commencé à miner et à fabriquer du Bitcoin et à posséder du Bitcoin, bah forcément donc c'est ce qu'on appelle les premiers entrants, c'est-à-dire voilà ceux qu'on avait en premier, bah forcément eux ils en ont beaucoup et nous on vient d'arriver, bah on en a pas ou peu, ou donc faut s'en procurer, etc. Donc oui, c'est Je suis pas sûr que ce soit un souci en soi, en fait. Moi, j'ai peut-être 20 € là sur moi. Si d'ailleurs, si quelqu'un veut tester, je peux en envoyer un petit peu. Et juste un deuxième truc aussi, c'est vrai que c'est assez gourmand en énergie. Je pense que c'est important à signaler aussi. Voilà, ça consomme plus de 10 gigawatts et c'est beaucoup. Écoutez, en tout cas, avant que ça se termine, en tout cas pour rappeler l'histoire du hackathon qui est le 25 et le 26 juin, pour trouver tout, c'est plus simple, aller sur la page Facebook Hacking Debout. C'est bien, ça permet de se mettre aussi au courant sur tout ce qui se passe dans le numérique au niveau du mouvement. Je vois qu'il y a des trucs des discussions comme celle-là ou d'autres réunions ou d'autres problématiques. Donc pour le hackathon, pour tout le reste, allez sur Hacking Debout sur Facebook. Sinon, chat.nuitdebout.fr, sinon le wiki, etc., etc. Pour ceux qui ne savent pas déjà. Voilà, ciao. Bon, voilà, pas mieux. Voilà, vous avez toutes les infos. Oui. Excuse, j'ai une dernière question. En fait, les médias généralistes, un des premiers arguments qu'ils disent pour montrer que c'est dark et tout le Bitcoin, ils disent il y a du blanchiment. Et il y a quelqu'un qui a dit juste avant, c'est il y a une transparence totale. Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait des lessiveuses sur Internet. Est-ce que quand c'est appliqué, ça fonctionne vraiment ? On ne retrouve pas le premier émetteur ou... Alors, en théorie, c'est Bitcoin, c'est pseudonymisé. C'est-à-dire qu'on peut avoir autant d'adresses publiques qu'on veut, qui sont comme des adresses mail ou comme des pseudos, si on veut. Par contre, effectivement, comme tu viens de le dire, il est possible d'anonymiser. Et donc, niveau évasion fiscale et compagnie, c'est possible, voilà. Et d'ailleurs, juste un dernier truc peut-être pour conclure, du coup... Donc j'ai parlé tout à l'heure des DAO, donc ces communautés qui fonctionnent en fait sur la blockchain, etc. C'est important en fait de s'assurer que c'est pas des machines à blanchir l'argent, parce que sinon ça va poser un souci. Ouais. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine intervention. Non, là on a plus le temps. Je suis désolé. Si vous voulez récupérer le replay afin de récupérer des infos particulières, vous l'avez sur Stream Debout sur YouTube. Et voilà, vous récupérez l'heure, le jour. Et vous... Alors, savoir aussi que toutes nos interventions sont enregistrées. C'est pour ça qu'on tient beaucoup à ce que les gens parlent par le micro. Sinon, quand on le diffuse, il y a des informations qui nous échappent. Donc, vous le retrouvez sur le site d'EducPop ainsi que sur la page Facebook. Donc, c'est enregistré. Ouais. Donc avant de passer à la prochaine intervention, on veut juste rappeler que vous êtes bienvenus pour nous proposer des interventions, notamment pour la semaine prochaine et les semaines suivantes, donc passez nous voir et voilà. Et que je laisse pour la prochaine intervention. Et que simplement donc au niveau de ce week-end, Éducation Populaire organise deux journées thématiques. Donc samedi, ce sera une journée thématique spéciale sur le TAFTA. Exceptionnellement, ça commencera à 11h. Et dimanche, on fera une journée thématique sur la question des violences faites aux femmes. Voilà, donc les débats risquent d'être intéressants. Voilà, et puis si vous avez des questions, en fait, on a une boîte à questions. Et donc, vous pouvez déposer vos questions dans notre petite boîte et on y répond tous ensemble le samedi à 16h sans intervenant. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à Antoine et Grégoire qui s'interrogent sur l'art et les artistes, comment converger.